Pour un bon repas en famille ou seul, c'est au restaurant Midas qu'il faut aller. Menu adapté à tous les budgets, servi par un personnel courtois et affable. Le propriétaire, M. Danny Potvin, souhaite un franc succès aux organisateurs du triathlon de Saint-Félicien et un bon congé de la fête du travail à tous ses clients. Restaurant Midas, 1084 route 169, 418-679-0900. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Roger Caron. Salut Roger. Hey, bonjour Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Roger, il y avait deux tournois d'importance en fin de semaine dernière. Oui, on avait en fait beaucoup d'activités. Nous avons eu jeudi passé le tournoi Résolu, qui était vraiment un record de participation. Alors c'était un tournoi organisé de 20 mètres par Résolu, okay. Par toute son équipe de bénévoles. Alors, on a eu, en fait, pour vous donner une idée, tout près de 250 joueurs le jeudi, énormément, un très beau souper le soir. Nous avons eu le lendemain, la PCHQ, encore là, un tournoi, un record de participation avec 136 joueurs, très bon souper. Alors, ça a été vraiment des grosses activités. Nous avons eu le samedi, le tournoi Zodiac qui revient chaque année. Et le dimanche, nous avons eu l'Interclude, okay. En fait, qui réunit les sept clubs du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau, alors qui réunit les 10 meilleurs joueurs de chaque club. OK. Donc, ça a bien été. Et puis, Saint-Prime, ce que j'ai su à travers les branches, c'est que vous allez être envoyé en division 2, c'est ça? Exactement. Si on regarde, dans le A, nous avons Chicoutimi avec 46 points, Lac-Saint-Jean, Saint-Gédéon, 38 points. Port-Alfred, 24. Et dans le groupe B, Arvida, qui avait 25, reviennent dans le A. Okay. Alors, ce qui veut dire que l'an prochain, Saint-Prime sera dans le B avec Chibougamau et Delbeau à ce moment-là. OK. Donc, on va suivre ça quand même de très, très près aussi. Oui. Les promotions. Oui. Bon, je te dirais... Présentement, nous avons toujours notre fameuse promotion des travailleurs qui fonctionne très bien, qui à partir de 15 heures, les gens peuvent jouer du golf illimité, mettons à partir de 15 $. Et s'ils vont avec une voiture motorisée, c'est 25 $. Alors, c'est vraiment très, très, très intéressant. Nous avons aussi des forfaits 9 trous. Alors, c'est vraiment, les gens en profitent beaucoup, puis c'est vraiment le bon temps de venir profiter du golf. En plus, il fait encore très beau, très chaud, alors c'est magnifique. Ah, regarde, c'est extraordinaire comme température. Puis là, c'est juste bien demain, on annonce de la mauvaise température. Par contre, à partir de jeudi, ça va recommencer. Oui. Donc, en fin de semaine, c'est la fin de semaine de fête du travail. Qu'est-ce qui se passe? Ben, nous avons un beau tournoi organisé avec Saint-Gédéon, Lac-Saint-Jean, qui est sur deux jours. Mm. Alors, nous jouons samedi à Saint-Gédéon et nous jouons le dimanche ici. Okay. Alors, on l'appelle la classique. Un peu comme fête à Delbeau, c'est ça? Exactement. Sauf que cette fois-là, au lieu d'avoir des équipes de quatre, c'est des équipes de deux dans toutes les classes, hommes et femmes. Mm. Alors, chacun fait son équipe de deux joueurs. Et puis, c'est très intéressant. C'est un très beau tournoi. L'année passée, il y avait eu beaucoup de participation. Et on espère avoir une belle participation aussi en fin de semaine. Bien, j'ai hâte de voir ça, évidemment. C'est surtout qu'on annonce une belle température. Donc, ça fait pas mal le tour pour cette semaine? Exactement ça, Danny. Alors, on se reparle la semaine prochaine. OK. Donc, c'était Roger Caron du club de golf de Saint-Prime.